Section 111 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. La lecture, tome 2e. Section 111. L'abbé Constantin par Ludovic Halévy de l'Académie française. Chapitre 3. Ce n'était pas un palais, le presbytère de Longueval. La même pièce, au rez-de-chaussée, servait de salon et de salle à manger, communiquant directement avec la cuisine par une porte toujours grande ouverte. Cette pièce était garnie du mobilier le plus sommaire, de vieux fauteuils, 6 chaises de paille, un dressoir, une table ronde. Déjà sur cette table, Pauline avait mis les 2 couverts de l'abbé et de Jean. Madame Scott et Miss Percival allaient et venaient, examinant avec une sorte de curiosité enfantine l'installation du curé. Mais le jardin, la maison, tout est charmant, disait Madame Scott. Elles entrèrent toutes deux résolument dans la cuisine. L'abbé Constantin les suivait, suffoqué, stupéfait, effaré devant la brusquerie et la soudaineté de cette invasion américaine. La vieille Pauline, d'un air inquiet et sombre, regardait les 2 étrangères. Les voilà donc, se disait-elle, ces hérétiques, ces damnés. Et, de ses mains agitées, tremblantes, elle continuait machinalement à éplucher sa chicorée. « Je vous fais tous mes compliments, mademoiselle, » lui dit Bettina. « Votre cuisine est si bien tenue. Regardez, Suzy, n'est-ce pas tout à fait le presbytère que vous désiriez ?»« Et aussi, monsieur le curé, » continua madame Scott. « Ah oui, monsieur le curé, voulez-vous me laisser vous dire cela? Si vous saviez comme je suis heureuse que vous soyez telle que vous êtes. » En chemin de fer, ce matin, Bettina... Qu'est-ce que je vous disais? Et encore, tout à l'heure, en voiture? Ma sœur me disait, monsieur le curé, que ce qu'elle désirait par-dessus tout, c'était un curé pas jeune, pas triste, pas sévère, un curé à cheveux blancs, avec l'air bon et doux. Et vous êtes absolument ainsi, monsieur le curé, absolument. Non, nous ne pouvions pas trouver mieux. Excusez-moi, je vous en prie de vous parler de la sorte. Les Parisiennes savent très bien tourner leurs phrases, d'une manière adroite et compliquée. Moi, je ne sais pas. Et j'aurais, en parlant français, beaucoup de peine à me tirer d'affaire. Si je ne disais les choses tout simplement, tout bêtement, comme elles me viennent. Enfin, je suis contente, très contente. Et j'espère que vous aussi, monsieur le curé, vous serez content, très content de vos nouvelles paroissiennes. Mes paroissiennes, dit le curé, retrouvant la parole, le mouvement, la vie, toute chose qui, depuis quelques minutes, l'avait complètement abandonnée. Mes paroissiennes? Pardonnez-moi, madame, mademoiselle. J'ai une telle émotion. Vous seriez... Vous êtes catholique? Mais oui, nous sommes catholiques. Catholique? Catholique? Répéta le curé. Catholique? Catholique? S'écria la vieille Pauline, qui apparut épanouie, radieuse, les bras au ciel, sur le seuil de sa cuisine. Madame Scott regardait le curé. Regardait Pauline, fort étonnée d'avoir, avec un seul mot, produit un tel effet. Et pour compléter le tableau, Jean se montra, apportant les 2 petits sacs de voyage. Le curé et Pauline le saluèrent de la même phrase. « Catholique ! Catholique !»« Ah, je comprends, » dit madame Scott en riant. « C'est notre nom, notre pays. Vous avez cru que nous étions protestantes ?»« Pas du tout. Notre mère était une Canadienne d'origine française et catholique. » Voilà pourquoi, ma sœur et moi, nous parlons français, avec un peu d'accent, sans doute, et avec certaines formules américaines, mais enfin de manière à dire à peu près tout ce que nous voulons dire. Mon mari est protestant, mais il me laisse une entière liberté, et mes 2 enfants sont catholiques. C'est pour cela, monsieur l'abbé, que nous avons voulu, dès le premier jour, venir vous voir. Pour cela, continua Bettina, et pour autre chose. Mais pour cette autre chose, nos 2 petits sacs sont tout à fait nécessaires. « Mais voici, mesdemoiselles, répondit Jean. Celui-ci est le mien, et voici le mien. Pendant que les 2 petits sacs passaient des mains de l'officier aux mains de madame Scott et de Bettina, le curé présentait Jean aux 2 américaines. Mais il était encore dans un tel émoi que la présentation ne fut pas tout à fait dans les règles. Le curé n'oublia guère qu'une chose, et une chose fort essentielle dans une présentation, le nom de famille de Jean. « C'est Jean, dit-il, mon filleul, lieutenant au régiment d'artillerie en garnison à Souvigny. Il est de la maison. » Jean fit 2 grands saluts. les Américaines, de petits. Après quoi, elles se mirent à fourrager dans leurs sacs et en retirèrent chacune un rouleau de 1000 francs, gentiment enfermé dans des étuis verts en peau de serpent cerclé d'or. « Je vous apportais ceci pour vos pauvres, monsieur le curé, » dit Madame Scott. « Et moi, ceci, » dit Bettina. Délicatement, elles glissèrent leur offrande dans la main droite et dans la main gauche du vieux curé, et celui-ci, regardant alternativement sa main droite et sa main gauche, disait « Qu'est-ce que c'est que ces deux petites choses-là? C'est bien lourd. Il doit y avoir de l'or là-dedans. Oui, mais combien? Combien ?» Il avait 72 ans, l'abbé Constantin, et beaucoup d'argent lui avait passé par les mains, pour n'y pas rester longtemps, il est vrai, mais cet argent lui était venu par petites sommes, et le soupçon d'une telle offrande ne pouvait lui entrer dans la tête. 2000 francs. Jamais il n'avait eu 2000 francs sa possession, ni même jamais 1000. Donc, ne sachant pas ce qu'on lui donnait, le curé ne savait comment remercier. Il balbutiait. « Je vous suis bien reconnaissant, madame. Vous êtes bien bonne, mademoiselle. » Enfin, il ne remerciait pas assez. Jean crut devoir intervenir. « Mon parrain, ces dames viennent de vous donner 2000 francs. » Alors, saisi d'émotion et de reconnaissance, le curé s'écria. « 2000 francs. 2000 francs pour mes pauvres. » Pauline fit brusquement une nouvelle apparition. « 2000 francs. 2000 francs. » « Il paraît, dit le curé, il paraît... Tenez, Pauline, serrez cet argent et faites attention. » Elle était bien des choses au logis, la vieille Pauline, servante, cuisinière, pharmacienne, trésorière. Sa main reçut avec un tremblement respectueux ces deux petits rouleaux d'or qui représentaient tant de misère adoucie, tant de douleur diminuée. « Ce n'est pas tout, monsieur le curé, » dit Madame Scott. « Je vous donnerai 500 francs tous les mois. Et je ferai comme ma sœur. 1000 francs par mois? Mais alors il n'y aura plus de pauvres dans le pays? C'est bien ce que nous désirons. Je suis riche. Très riche, et ma sœur aussi. Elle est même plus riche que moi, parce qu'une jeune fille a de la peine à beaucoup dépenser. Tandis que moi, à moi, tout ce que je peux, je dépense tout ce que je peux. Quand on a beaucoup d'argent, quand on a trop d'argent, quand on en a plus que cela n'est juste, dites, monsieur l'abbé, pour se faire pardonner, y a-t-il d'autre moyen que de toujours avoir les mains grandes ouvertes et de donner le plus possible et le mieux possible? D'ailleurs, vous aussi, vous allez me donner quelque chose. » Et, s'adressant à Pauline, « Vous seriez bien bonne, mademoiselle, de m'apporter un verre d'eau fraîche. Non, pas autre chose, un verre d'eau fraîche. Je meurs de soif. » Et moi, dit en riant Bettina, pendant que Pauline courait chercher le verre d'eau, « Je meurs d'autre chose. C'est de faim que je meurs, monsieur le curé. Cela, je le sais, est affreusement indiscret. Mais je vois que votre couvert est mis. Est-ce que vous ne pourriez pas nous inviter à dîner ?»« Bettina !» dit Madame Scott. « Laissez donc, Suzy, laissez donc. N'est-ce pas, monsieur le curé? Vous voulez bien ?» Mais il ne trouvait rien à répondre, le vieux curé. Il ne savait plus du tout, où il en était. Elle prenait d'assaut son presbytère. Elles étaient catholiques. Elle lui apportait 2000 francs. Elle lui promettait 1000 francs tous les mois. Et elle voulait dîner chez lui. Ah, cela, c'était le dernier coup. L'épouvante le prenait à la pensée d'avoir à faire les honneurs de son gigot et de ses œufs au lait à ces deux Américaines follement riches, qui devaient se nourrir de choses extraordinaires, fantastiques, inusitées. Il murmurait. « À dîner? À dîner? Vous voudriez dîner ici ?» Jean dut encore une fois intervenir. « Vos parrains seront trop heureux, dit-il, si vous voulez bien accepter. Seulement, je vois ce qui l'inquiète. Nous devions dîner ensemble tous les deux. Et il ne faut pas, mesdames, vous attendre à un festin. Enfin, vous serez indulgente. » « Oui, oui, très indulgente, » répondit Bettina. Puis, s'adressant à sa sœur, « Voyons, Suzy, ne faites pas la moue parce que j'ai été un peu... Vous savez bien que c'est mon habitude d'être un peu... Restons, voulez-vous? Cela nous reposera de passer une heure ici bien tranquillement. Nous avons eu une telle journée, en chemin de fer, en voiture, dans la poussière, dans la chaleur. Nous avons fait un si affreux déjeuner ce matin, dans un si affreux hôtel. Nous devions retourner dîner à 7 heures dans ce même hôtel, pour reprendre ensuite le train de Paris. Mais dîner ici sera réellement plus gentil. Vous ne dites plus non. Ah, que vous êtes bonne, ma Suzy. » Elle embrassa sa sœur très câlinement, très tendrement, puis, se tournant vers le curé, « Si vous saviez, monsieur le curé, comme elle est bonne. » Bettina, Bettina !»« Allons, dit Jean. Vite, Pauline, de couvert, je vais t'aider. » « Et moi aussi, s'écria Bettina, moi aussi je vais vous aider. Oh, je vous en prie, cela m'amusera tant. Seulement, monsieur le curé, vous me permettrez de faire un peu comme chez moi. » Lestement, elle ôta son manteau d'abord, et Jean put admirer, dans son exquise perfection, une taille merveilleuse de souplesse et de grâce. Miss Percival ensuite enleva son chapeau, mais avec un peu trop de hâte, car ce fut le signal d'une ravissante débâcle. Toute une avalanche s'échappa et se répandit par torrents en longues cascades sur les épaules de Bettina. Elle se trouvait alors devant une fenêtre par où entraient à flots les rayons du soleil, et cette lumière d'or, venant frapper en plein sur cette chevelure d'or, mettait dans un encadrement délicieux l'éclatante beauté de la jeune fille. Confuse et rougissante, Bettina dut appeler sa sœur à son secours, et Madame Scott eut beaucoup de peine à remettre un peu d'ordre dans ce désordre. Lorsque la catastrophe fut enfin réparée, rien ne put empêcher Bettina de se précipiter sur les assiettes, les couteaux et les fourchettes. « Mais, monsieur, disait-elle à Jean, je sais très bien mettre le couvert, demandait à ma sœur. Dites, Suzy, quand j'étais petite à New York, est-ce que je ne mettais pas très bien le couvert ?»« Oui, très bien, répondit Madame Scott. » Et elle aussi, tout en priant le curé d'excuser l'indiscrétion de Bettina, elle aussi ôta son chapeau et son manteau. Si bien que Jean eut encore une fois le très agréable spectacle d'une taille charmante et de cheveux admirables. Mais la débâcle, et Jean le regretta, n'eut pas de seconde représentation. Quelques minutes après, Madame Scott, Miss Percival, le curé et Jean prenaient place autour de la petite table du presbytère. Puis, très rapidement, grâce à la surprise et à l'originalité de la rencontre, grâce surtout à la belle humeur et à l'enjouement quelque peu audacieux de Bettina, la conversation prenait le tour de la plus franche et de la plus cordiale familiarité. « Vous allez voir, monsieur le curé, dit Bettina, vous allez voir si j'ai menti, si je ne mourrai pas de faim. Je vous préviens que je vais dévorer. Je ne me suis jamais mise à table avec tant de plaisir. Ce dîner va si bien finir notre journée. Nous sommes tellement contentes, ma sœur et moi, d'avoir ce château, ces fermes, cette forêt. » Et d'avoir tout cela, continua Madame Scott, d'une façon si extraordinaire, si imprévue, nous nous y attendions si peu. Vous pouvez bien dire, Suzy, que nous nous y attendions pas du tout. Sachez, monsieur l'abbé, que c'était hier la fête de ma sœur. Mais d'abord, pardon, monsieur. Monsieur Jean, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle, monsieur Jean. Eh bien, monsieur Jean, encore un peu de cette soupe excellente, je vous en prie. L'abbé Constantin commençait à se remettre, à se retrouver. Mais il était cependant encore trop ému pour accomplir correctement ses devoirs de maître de maison. C'était Jean qui avait pris le gouvernement du modeste dîner de son parrain. Il remplit donc jusqu'au bord l'assiette de cette ravissante américaine, qui fixait sur lui le regard de deux grands yeux, où étincelaient la franchise, la hardiesse et la gaieté. Les yeux de Jean, d'ailleurs, payaient Miss Percival de la même monnaie. Il n'y avait pas trois quarts d'heure que, dans le jardin du curé, la jeune américaine et le jeune officier, pour la première fois, s'étaient adressés la parole, et tous deux déjà se sentaient, vis-à-vis l'un de l'autre, parfaitement à l'aise, pleinement en confiance, presque en camaraderie. « Je vous disais, monsieur le curé, reprit Bettina, que c'était hier la fête de ma sœur, sa fête de naissance. Mon beau-frère, il y a 8 jours, avait été obligé de partir pour l'Amérique, mais en s'en allant, il avait dit à ma sœur, « Je ne serai pas ici le jour de votre fête. Vous aurez cependant de mes nouvelles. » Hier donc, il arriva des cadeaux et des bouquets un peu de partout. Mais de mon beau-frère, jusqu'à 5 heures, rien. Rien. Nous allons faire toutes les deux un tour au bois à cheval. Et à propos de cheval, elle s'arrêta et, se penchant un peu de côté, regarda curieusement les grandes bottes poudreuses de Jean. Puis elle s'écria, « Mais, monsieur, vous avez des éperons ?»« Oui, mademoiselle. Vous êtes dans la cavalerie ?»« Je suis dans l'artillerie, mademoiselle. Et l'artillerie ?»« C'est de la cavalerie. Et votre régiment est en garnison ?»« Tout près d'ici. »« Mais alors vous monterez à cheval avec nous ?»« Avec le plus grand plaisir, mademoiselle. »« C'est dit. Voyons, où en étais-je »« Vous ne savez pas du tout, Bettina, où vous en êtes. »« Et vous racontez à ces messieurs des choses qui ne peuvent les intéresser. »« Oh !» « Je vous demande pardon, madame, dit le curé. La vente de ce château Il n'est question que de cela dans le pays en ce moment. Et le récit de mademoiselle nous intéresse beaucoup. Vous voyez, Suzy, mon récit intéresse beaucoup monsieur le curé. Donc, je continue. Nous sortons à cheval, nous rentrons à 7 heures, rien. Nous dînons, et au moment où nous sortions de table, Harry fait une dépêche d'Amérique. 2 lignes seulement. J'ai fait acheter pour vous, aujourd'hui, et en votre nom, le château et le domaine de Longueval, près de Souvigny, sur la ligne du Nord. Alors nous avons été prises, toutes les deux, d'un rire fou à la pensée. Non, non, Bettina, cela n'est pas exact. Vous nous calomniez toutes les deux. Nous avons été prises d'abord d'un bien sincère mouvement d'émotion et de reconnaissance. Nous aimons beaucoup la campagne, ma sœur et moi. Mon mari, qui est excellent, savait que nous désirions très vivement avoir une terre en France. Depuis 6 mois, il cherchait et ne trouvait rien. Enfin, et sans nous le dire, il avait découvert ce château, qui se vendait précisément le jour de ma fête. C'était une attention très délicate. Oui, Suzy, vous avez raison. Mais après le petit accès d'émotion, il y a eu un grand accès de gaieté. Cela, je le reconnais. Quand nous avons fait cette réflexion, que nous nous trouvions brusquement, toutes les deux, car ce qui est à l'une est à l'autre, propriétaire d'un château, sans savoir où se trouvait ce château, comment il était fait et combien il avait coûté, cela ressemblait tellement à un conte de fées. Enfin, pendant 5 bonnes minutes, de tout notre cœur, nous avons ri. Puis nous nous sommes jetés sur une carte de France, et nous avons réussi, non sans peine, à y déterrer Souvigny. Après l'Atlas, ce fut le tour d'un indicateur des chemins de fer, et ce matin, par l'express, à 10 heures, nous débarquions à Souvigny. Nous avons passé toute notre journée à visiter le château, les écuries, les fermes. Nous n'avons pas tout vu, car c'est immense. Mais nous sommes ravis de tout ce que nous avons vu. Seulement, monsieur le curé, il y a quelque chose qui m'intrigue. Je sais que le domaine a été vendu hier publiquement. Tout le long de ma route, j'ai vu les grandes affiches. Mais aux personnes, régisseurs et fermiers, qui m'ont accompagné dans ma promenade, je n'ai pas osé demander. Toute mon ignorance aurait paru folle. Combien tout cela m'avait coûté? Mon mari, dans sa dépêche, a oublié de me le dire. Du moment que je suis enchantée de l'acquisition, ce n'est qu'un détail. Mais je ne serais pas fâchée cependant d'apprendre, dites, monsieur le curé, si vous le savez, dites-moi le prix. Un prix énorme, répondit le curé, car bien des espérances et bien des ambitions s'agitaient autour de Longueval. Un prix énorme? Vous ne me faites peur. Combien exactement? 3 millions. Seulement? S'écria madame Scott. Le château, les fermes, la forêt? Le tout pour 3 millions? Oui, 3 millions. Mais c'est pour rien, dit Bettina. Cette délicieuse petite rivière qui se promène dans le parc vaut, à elle seule, les 3 millions. Et vous disiez tout à l'heure, monsieur le curé, demanda madame Scott, vous disiez qu'il se trouvait plusieurs personnes pour nous disputer les terres et le château? Oui, madame. Et devant ces personnes, après la vente, mon nom a-t-il été prononcé? Oui, madame. Et quand mon nom a été prononcé, y a-t-il eu là quelqu'un pour me connaître, pour parler de moi? Oui, oui, votre silence me répond. On a parlé de moi. Eh bien, monsieur le curé, je deviens sérieuse, très sérieuse. Je vous prie, en grâce, de me répéter ce qui a été dit de moi. Mais, madame, répondit le pauvre curé, qui était sur des charbons ardents, on a parlé de votre grande fortune. Oui, on a dû parler de cela, sans aucun doute. On a dû dire que j'étais fort riche, et depuis peu de temps. Une parvenue, n'est-ce pas? Très bien, mais ce n'est pas tout, on a dû vous dire autre chose. Mais non, je n'ai rien entendu. Oh, monsieur le curé, vous faites là ce que vous appelez un mensonge pieux, et je vous rends très malheureux, car vous devez être la sincérité même. Mais si je vous tourmente ainsi, c'est que j'ai grand intérêt à savoir ce qui s'est dit, ce que... Mon Dieu, madame, interrompit Jean, vous avez raison. On a dit autre chose, et mon parrain est un peu embarrassé pour le répéter. Mais puisque vous le voulez absolument, on a dit que vous étiez une des plus élégantes, des plus brillantes et des plus jolies femmes de Paris. On a pu dire cela. Avec un peu d'indulgence, on a pu le dire. Mais ce n'est pas tout encore, il y a autre chose. Ah, par exemple. Oui, il y a autre chose. Et je voudrais avoir avec vous, à l'instant même, une explication bien franche. Je ne sais pas, mais il semble que j'ai eu la main heureuse aujourd'hui. Il me semble, c'est peut-être un peu tôt pour dire ce mot-là, mais il me semble que vous êtes déjà tous les deux un peu mes amis. et que vous le serez un jour tout à fait. Eh bien, dites, s'il court sur mon compte des histoires absurdes et fausses, n'ai-je pas raison de penser que vous m'aiderez à les démentir ? Oui, madame, répondit Jean, avec une extrême vivacité, vous avez raison de le penser. Eh bien, c'est à vous, monsieur, que je m'adresse. Vous êtes soldat, et c'est votre métier d'avoir du courage. Promettez-moi d'être brave. Me le promettez-vous ? Qu'entendez-vous, madame, par être brave ? Promettez, promettez sans explication, sans condition. Eh bien, je le promets. Vous allez donc répondre franchement, par oui et par non, aux questions que je vais vous adresser. Je répondrai. Vous a-t-on dit que j'avais mendié dans les rues de New York ? Oui, on me l'a dit. Et que j'avais été écuyère dans un cirque ambulant ? On me l'a dit, madame. À la bonne heure, voilà qui est parlé. Eh bien, remarquez d'abord que, dans tout cela, il n'y aurait rien, rien du tout, d'inavouable. Mais si cela n'est pas vrai, n'ai-je pas le droit de dire que cela n'est pas vrai ? Et cela n'est pas vrai. Mon histoire, en peu de mots, je vais vous la raconter. Et si je vous la raconte ainsi, dès le premier jour, c'est que pour vous ayez la bonté de la redire à tous ceux qui vous parleront de moi. Je vais passer une partie de ma vie dans ce pays. Je désire qu'on sache d'où je viens et ce que je suis. Je commence donc. Pauvre, oui, je l'ai été, et très pauvre. Il y a de cela 8 ans, mon père venait de mourir, suivant d'assez près notre mère. J'avais, moi, 18 ans, et Bettina 11. Nous restions seuls dans le monde, avec de grosses dettes et un gros procès. La dernière parole de mon père avait été « Suzy, pour le procès, ne transigez jamais, jamais, jamais. Des millions, mes enfants, vous aurez des millions. » Il nous embrassa toutes les deux, Bettina et moi. Le délire le prit, et il mourut en répétant « Des millions. » Un homme d'affaires se présenta, le lendemain, qui m'offrit de payer toutes les dettes et de me donner, en outre, $10,000, si je lui abandonnais tous mes droits dans le procès. Il s'agissait de la possession d'une grande étendue de terre dans le Colorado. Je refusais. C'est alors que, pendant quelques mois, nous avons été très pauvres. Et c'est alors, dit Bettina, que je mettais le couvert. Je passais ma vie chez les solicitors de New York, mais personne ne voulait se charger de mes intérêts. C'était partout la même réponse. « Votre cause est très douteuse. Vous avez des adversaires riches et redoutables. Il faut de l'argent. Beaucoup d'argent pour aller au bout de votre procès. Et vous n'avez plus rien. On vous offre vos dettes payées, $10,000. Acceptez. Vendez votre procès. » Mais moi, j'avais toujours dans l'oreille les derniers mots de mon père. Et je ne voulais pas. La misère, cependant, allait bien m'y contraindre. Quand un jour, je tentai une démarche près d'un des amis de mon père, un banquier de New York, M. William Scott. Il n'était pas seul. Un jeune homme était assis dans son cabinet, près de son bureau. « Vous pouvez parler, me dit-il, c'est mon fils, Richard Scott. » Je regarde ce jeune homme, il me regarde, et nous nous reconnaissons. « Suzy, Richard !» Il me tend la main. Il avait 23 ans, et moi 18, je vous l'ai dit. Bien souvent, autrefois, enfants tous les deux, nous avions joué ensemble. Nous étions alors grands amis. Puis, 7 ou 8 ans auparavant, il était parti pour achever son éducation en France et en Angleterre. Son père me fait asseoir et me demande ce qui m'amène. Je le lui dis. Il m'écoute et me répond. « Vous auriez besoin de 20 à 30 000 $. Personne ne vous prêtera une telle somme sur les chances incertaines d'un procès très compliqué. Ce serait de la folie. Si vous êtes malheureuse, si vous avez besoin d'un secours, ce n'est pas cela, mon père, dit très vivement Richard. Ce n'est pas cela que Miss Percival demande. Je le sais bien, mais ce qu'elle me demande est impossible. Il se leva pour me reconduire. Alors j'eus un accès de faiblesse, le premier depuis la mort de mon père. J'avais été, jusque-là, assez forte, mais je sentais mon courage épuisé. J'eus une crise de nerfs et de larmes. Je me remis enfin, et je partis. Une heure après, Richard Scott était chez moi. « Suzy, me dit-il, promettez-moi d'accepter ce que je vais vous offrir. Promettez-le-moi. » Je le lui ai promis. « Eh bien, dit-il, à cette seule condition que mon père n'en sache rien, je mets à votre disposition la somme qui vous est nécessaire. Mais encore faut-il que vous connaissiez mon procès, que vous sachiez ce qu'il est, ce qu'il vaut. Je ne sais pas le premier mot de votre procès, et n'en veux rien connaître. Où serait le mérite de vous obliger si j'avais la certitude de rentrer dans mon argent ? D'ailleurs, vous avez promis d'accepter. C'est fait. Il n'y a pas à y revenir. » Cela m'était offert avec une telle simplicité, avec une telle ouverture de cœur, que j'acceptais. 3 mois après, le procès était gagné. Cet terrain, devenu sans contestation possible notre propriété à toutes deux, on voulait nous les acheter 5 millions. J'allais consulter Richard. « Refusez et attendez, me dit-il. Si l'on vous propose une pareille somme, c'est que les terrains valent le double. Cependant, il faut bien que je vous rende votre argent, et je vous dois beaucoup, beaucoup d'argent. » « Oh, pour cela, plus tard, rien ne presse. Je suis bien tranquille maintenant. Ma créance ne court plus aucun danger. Mais je voudrais vous payer tout de suite. J'ai les dettes en horreur. Il y aurait un moyen, peut-être sans vendre les terrains. Richard, voulez-vous être mon mari ?»« Oui, monsieur le curé. Oui, monsieur, dit madame Scott en riant. C'est moi qui me suis jetée ainsi à la tête de mon mari. C'est moi qui lui ai demandé sa main. Cela, vous pouvez le dire à tout le monde. » Et vous ne direz que la vérité. J'étais d'ailleurs bien obligée d'agir de la sorte. Jamais, oh, je suis aussi sûre de cela que de ma vie, jamais il n'aurait parlé. J'étais devenue trop riche. Et comme c'était moi qui l'aimais et pas mon argent lui faisait une peur affreuse. Voilà l'histoire de mon mariage. Quant à l'histoire de notre fortune, elle peut se dire en quelques mots. Il y avait en effet des millions dans ces terres du Colorado. On y découvrit de très abondantes mines d'argent. Et de ces mines, nous tirons tous les ans des revenus déraisonnables. Mais nous sommes d'accord, mon mari, ma sœur et moi, pour faire, sur ces revenus, très large, la part des pauvres. Vous en apercevrez, monsieur le curé. C'est parce que nous avons connu des jours très cruels, c'est parce que Bettina se souvient d'avoir mis le couvert dans notre petit 5e étage de New York, c'est pour cela que vous nous trouverez toujours secourables à ceux qui sont, comme nous l'avons été nous-mêmes, en présence des difficultés et des douleurs de la vie. Et maintenant, monsieur Jean, voulez-vous me pardonner ce long discours et m'offrir un peu de cette crème qui paraît excellente ? Cette crème, c'était les œufs au lait de Pauline. Et pendant que Jean s'empressait de servir madame Scott, « Je n'ai pas encore tout dit, » continua-t-elle. « Il faut que vous sachiez ce qui a donné naissance à ces histoires extravagantes. Quand nous sommes venus nous installer à Paris, il y a 1 an, nous avons cru devoir, dès notre arrivée, donner pour les pauvres une certaine somme. Qui a parlé de cela ? Pas nous, bien certainement. » Mais la chose fut racontée dans un journal avec le chiffre. Aussitôt, de jeunes reporters accoururent pour faire subir à M. Scott un petit interrogatoire sur son passé. Il voulait écrire sur nous dans les journaux des... Comment appelez-vous cela ? Des chroniques. M. Scott est quelquefois un peu vif. Il le fut ce jour-là, et congédia ces messieurs très brusquement, sans leur rien dire. Alors, ne sachant pas notre histoire véritable, ils en inventèrent, une avec beaucoup d'imagination. Le premier raconta que j'avais mendié dans la neige à New York, et le second, le lendemain, pour publier un article encore plus à sensation, le second me fit crever des cerceaux de papier dans un cirque de Philadelphie. Vous avez en France de bien drôles de journaux, et nous aussi d'ailleurs en Amérique. Cependant, depuis 5 minutes, Pauline adressait au curé des signes désespérés, que celui-ci s'obstinait à ne pas comprendre. Si bien que la pauvre fille, à la fin, rassemblant tout son courage, « Monsieur le curé, il est 7h15. »« 7h15 ? Oh, mesdames, je vous prie de m'excuser, mais j'ai ce soir mon office du mois de Marie. »« Le mois de Marie ? Et l'office, c'est tout de suite ? Oui, tout de suite. »« Et notre train pour Paris ce soir, à quelle heure exactement ?»« À 9h30, » répondit Jean. « Et il ne vous faut en voiture que 15 à 20 minutes pour arriver à la gare. »« Mais alors, Suzy, nous pouvons aller à l'église ?»« Allons à l'église, » répondit madame Scott. Mais avant de nous séparer, monsieur le curé, j'ai une grâce à vous demander. Je veux absolument vous avoir, la première fois que je dînerai chez moi à Longueval, et vous aussi, monsieur, seuls, tous les quatre, comme aujourd'hui. Oh, ne refusez pas, l'invitation est faite de si bon cœur. Et acceptez du même cœur, madame, répondit Jean. Je vous écrirai pour vous dire le jour. Je viendrai le plus tôt possible. Vous appelez cela, n'est-ce pas, pendre la crémaillère? Eh bien... Nous pendrons la crémaillère à nous quatre. » Pendant ce temps, Pauline avait entraîné Miss Percival dans un coin de la salle, et là, avec beaucoup d'animation, lui parlait. Leur conversation prit fin sur ces paroles. « Vous serez là, disait Bettina ? Oui, je serai là. Et vous me direz bien à quel moment ? Je vous le dirai, mais prenez garde, voici monsieur le curé. Il ne faut pas qu'il se doute. » Les deux sœurs, le curé et Jean, sortirent de la maison. De là, pour aller à l'église, il fallait traverser le cimetière. La soirée était délicieuse. Lentement, silencieusement, tous les quatre, sous les rayons du soleil couchant, marchaient dans une allée. Sur leur chemin se trouva le monument du docteur Reynaud, très simple, mais qui cependant, par ses proportions, se distinguait des autres tombes. Madame Scott et Bettina s'arrêtèrent, frappées par cette inscription gravée sur pierre. « Ici repose le docteur Marcel Reynaud, chirurgien-major, démobilisé de Souvigny, tué le 8 janvier 1871 à la bataille de Villers-Excel. Priez pour lui. » Quand elles eurent fini de lire, le curé, en leur montrant Jean, dit ces simples mots. C'était son père. Les deux femmes alors s'approchèrent de la tombe, et la tête inclinée, restèrent là pendant quelques instants, pensives, émues, recueillies. Puis, se retournant toutes deux, en même temps, du même mouvement, elles tendirent la main au jeune officier et reprirent leur marche vers l'église. Le père de Jean avait eu, à Longueval, leur première prière. Le curé s'en alla revêtir son surplis et son étole. Jean conduisit Madame Scott au banc réservé depuis 2 siècles au maître de Longueval. Pauline avait pris les devants. Elle attendait Miss Percival dans l'ombre, derrière un pilier de l'église. Par un escalier étroit et raide, elle fit monter Bettina dans la tribune et l'installa devant l'harmonium. Précédé de 2 enfants de chœur, le vieux curé sortit de la sacristie, et au moment où il s'agenouillait sur les marches de l'autel, « C'est le moment, mademoiselle, » dit Pauline, dont le cœur battait d'impatience. « Pauvre cher homme, va-t-il être content ?» Lorsqu'il entendit le chant de l'orgue s'élever doucement comme un murmure et se répandre dans la petite église, l'abbé Constantin fut pris d'une telle émotion, d'une telle joie, que les larmes lui vinrent aux yeux. Il ne se souvenait pas d'avoir pleuré depuis le jour où Jean lui avait dit qu'il voulait partager tout ce qu'il possédait avec la mère et avec la sœur de ceux qui étaient tombés à côté de son père, sous les balles allemandes. Pour qu'il se trouvât encore des larmes dans les yeux du vieux prêtre, il avait fallu qu'une petite américaine passât les mers et vint jouer une rêverie de Chopin dans l'église de Longueval. Fin de la section 111, lue par Stéphanie.